l'univers, il a créé toutes ces choses pour sa seule gloire. Quand je vois les cieux, la terre, l'ouvrage de ses mains, la lune, les étoiles qu'il a créées, qu'est-ce qu'est donc l'homme pour qu'il appelle sa créature de choix et qu'il vienne donner sa vie pour me sauver? Pour tout ce qu'il a fait pour moi, que puis-je le donner? Son amour est si profond, parfait amour. Bénis, célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez Jésus, car le roi est digne de gloire, oh, yeah. Dans sa majesté, et que tout ce qui respire loue l'éternel. Il a créé l'univers par sa parole. Laisse que toutes ses créatures bénissent son nom. Bénissez son nom, exalte son nom, exalte son nom. Si grand pour moi qu'il est venu sur la terre sous la forme d'un humain pour me sauver. Mépris abandonné des hommes, l'homme de douleur, habitué à la souffrance pour mon salut. L'œuvre grandiose de la croix ne me laisse pas indifférent. Je proclamerai son nom durant toute ma vie. Voilà pourquoi je l'aime de tout mon cœur, et de toute mon âme et de toute ma pensée. Venez, célébrez-le, célébrez, bénissez son nom, car le roi est digne de gloire, de gloire dans sa majesté, oh. Et que tout ce qui respire loue l'éternel, éternel, il a créé l'univers. Son nom, car il est digne de louange, alléluia. Oh. Éternel, Jéhovah, aimé, tu m'as aimé, oh Jéhovah. Je chanterai à ton honneur, éternel, car tu es digne de louange. Éternel, Jéhovah, des armées, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Je chanterai un cantique nouveau, oh, à ton honneur, car tu es digne, tu es digne de louange. Louange, éternel, un cantique nouveau, alléluia, à ton honneur, car tu es digne de louange. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre.